Toyota. Papa, quand est-ce qu'on arrive ? Bah, papa doit d'abord recharger sa voiture. Papa, quand est-ce qu'on repart ? Dans 30 minutes. C'est long d'attendre de repartir. Je sais. L'hybride Toyota, préférez l'électrique sans aucune limite. Toyota s'engage et renforce sa prime à l'hybride Toyota jusqu'à 5000 euros. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière non cumulable et sous conditions de reprise. 5000 euros pour la commande d'un Toyota CHR hybride 9 jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Autres modèles et détails sur toyota.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un film au parfum de scandale, Le souffle au cœur de Louis Malle. En mai 1971, lors du Festival de Cannes, le réalisateur de 39 ans présente ce qui est alors son 10e film. À travers ce récit, le cinéaste français s'attaque à un interdit millénaire, le plus tabou d'entre les tabous, l'inceste. Ainsi, le film raconte l'été d'un adolescent de 15 ans, Laurent, et de la passion qui l'unit à sa mère, Clara, jusqu'à l'irréparable. Cette œuvre est également une charge violente contre la bourgeoisie et l'institution catholique. Pour l'écrire, Louis Malle a puisé à la fois dans ses souvenirs d'enfance et dans un petit roman inachevé sorti 5 ans auparavant, « Ma mère » de Georges Bataille. Pourtant, à l'issue de la projection cannoise, surprise, le scandale n'a pas lieu, ou presque. Il faut dire que 3 ans avant, un événement a changé profondément la société, mai 68. Alors, que raconte vraiment Le souffle au cœur ? Comment a-t-il été écrit ? Quelles ont été les réactions du public et de la critique ? Mais surtout, qui est Louis Malle, cinéaste majeur ? Notre invité aujourd'hui, Pierre-Henri Gibert, documentariste, auteur d'un documentaire sur Louis Malle, précisément. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Ballandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Tu sais quelle heure il est ? Qu'est-ce que tu as fait de ta casquette, toi ? Comment ne me prends pas pour un imbécile ? Avec les notes que tu as, tu sais très bien que tu vas rater ton bachot. Comment ? Cannes, 17 mai 1971. Comme chaque année, le petit monde du cinéma se réunit sur la croisette pour le rendez-vous le plus important de l'année, le Festival de Cannes. À la fois vitrine des remous de la société et carte postale glamour du divertissement, l'événement jouit depuis sa création en 1946 d'un pouvoir d'attraction considérable. Alors, comme tous les ans, entre le bord de mer et les hôtels de luxe, les starlettes du moment défilent sous l'œil des photographes et des touristes. Décapotable, bikini est faite jusqu'au bout de la nuit. Ambiance, reportage de l'ORTF. Cannes 1971, un rituel vieux de 25 ans déjà. Tenue de soirée et sourire de rigueur, les photographes accueillent les célébrités du cinéma. Après Mylène de Mongeau et la délégation japonaise, voici l'ex-backer qui a troqué sa défroque de Tarzan contre un smoking. Dès le lendemain, tout le monde se retrouvait dans le bain. 34 films dans la compétition officielle, 10 pour la semaine de la critique, une 60aine pour la quinzaine des réalisateurs, du pain sur la planche pour les festivaliers. Au-delà de ces images d'Épinal, la sélection s'annonce prometteuse pour les cinéphiles. Le réalisateur italien Visconti doit y présenter Mort à Venise. En cette décennie, le cinéma italien est roi. Côté français, on attend surtout Les Mariés de l'an 2 de Jean-Paul Rapneau, mais aussi le nouveau film de Louis Malle. Son 10e, Le souffle au cœur, qui sent le soufre au cœur. Ce film, en effet, raconte l'histoire d'une passion pendant le printemps de l'année 1954, une passion interdite entre Laurent, un jeune ado de 15 ans, et sa mère, Clara, une Italienne libérée de 35 ans. Une passion consommée, autrement dit, un inceste. Mais ce n'est pas tout. La situation n'est pas traitée façon drame, mais comme une comédie de mœurs. Situé dans le cadre rigide d'une famille bourgeoise provinciale, le film a tout pour faire scandale. La bande-annonce, d'ailleurs, à l'époque, donne le ton. Tu connais le tennis épinard ? Non, qu'est-ce que c'est ? Tu vas voir. C'est un sport d'adresse. Mais ? Qu'est-ce que tu te prends ? J'ai une surprise pour vous. Ouh, un dieu la belle femme. Mais d'où sors-tu, toi ? Paix en Indochine ! Arrêtez la sale guerre ! Arrêtez la sale guerre ! Et la jeunesse ? Qu'est-ce qu'elle pense de tout ça, la jeunesse ? Qu'est-ce que tu as la peau douce ? plus douce que la mienne. Masana incorpore sano. Est-ce que je peux retourner en gymnastique, mon beurre? Une question que je voulais te poser depuis longtemps. Hein? Est-ce que papa est vraiment mon père? La polémique canoise de l'année viendrait-elle du souffle au cœur? C'est la quatrième fois, en tout cas, qu'un film de Louis Malle doit être présenté à Cannes. Et il se trouve que le réalisateur a une histoire mouvementée avec le festival, pour ne pas dire maudite. Pourtant, en ce 17 mai 71, l'homme semble détendu. Assis dans un coin de la salle, le regard masqué par ses lunettes fumées, il attend avec impatience de voir comment son film sera reçu. 110 minutes plus tard, lorsque le générique défile, les applaudissements envahissent la salle. La projection est un triomphe. Le public, comme la critique, est enthousiaste. Ainsi, Jean-Louis Bory, du Nouvel Observateur, écrit « Le souffle au cœur est le plus beau film de Louis Malle. Il a quelque chose d'achevé, de plein, de libre, de rapide, qui comble notre attente. » Le très académique Louis Chauvet, dans le très conservateur Figaro, s'émeut, lui, de l'audace de Louis Malle et confirme « C'est le meilleur film de Malle, le plus intimement sensible et le plus accompli. » Bien. Est-ce que cela signifie que dans cette France d'après mai 68, de la libération sexuelle, l'inceste serait devenu une pratique comme une autre? La réponse est non, loin de là. Et l'attaque sur le plan moral vient de Claude Mauriac, le fils de François, dans le Figaro littéraire. Il laisse entendre que le film lui plairait beaucoup si seulement on n'y parlait pas d'inceste. Il faut dire que même en cette période de libération des mœurs, le sujet reste le tabou d'entre les tabous, la rupture d'une norme sociale ancestrale. Pour le célèbre anthropologue Claude Lévi-Strauss, l'interdit de l'inceste est même fondamental à notre condition humaine. Il serait le phénomène qui fait passer de l'état de nature à celui de culture. Une règle universelle transmise depuis des millénaires. Alors même à l'heure de la révolution sexuelle, l'idée de briser un tel tabou rencontre forcément des résistances. Pourtant, on aurait tort de résumer le souffle au cœur à une simple histoire d'inceste destinée à secouer les moralistes de l'époque. Après tout, l'acte sexuel ne représente que 7 petites minutes sur les 110 du film. En vérité, si la relation entre la mère et son fils est bel et bien fictive, une part importante du film présente un caractère autobiographique. La fiction, ici, est nourrie de souvenirs et d'anecdotes de l'enfance de Louis Malle, une enfance protégée, passée dans une famille bourgeoise du nord de la France. Alors, c'est la première fois? N'aie pas peur, va, j'ai l'habitude. Les dépucelages ici, c'est toujours à moi, Madame Madeleine le confie. Ça va très bien se passer. Le futur cinéaste naît le 30 octobre 1932 dans le village de Thumery, à 20 km de Lille. Sa famille est issue de la grande bourgeoisie catholique. Son père dirige les célèbres sucreries Béguin. Ainsi, le jeune Louis Malle reçoit-il une éducation traditionnelle où les bonnes manières sont de mise. En 1939, la guerre éclate, alors que le jeune garçon n'a que 7 ans. Il traverse l'occupation dans différents internats catholiques. C'est là, éloigné de sa famille, qu'il s'affranchit peu à peu de son éducation puritaine. Entouré d'une petite bande de copains, il enchaîne les farces, découvre le jazz et dévore ses premiers films. Des westerns américains, des comédies, des polars. À la même époque, en octobre 1945, on lui diagnostique un souffle au cœur. À 13 ans, il part en cure avant de retrouver la demeure familiale où il suit un enseignement privé à domicile. Cependant, l'amour du cinéma n'a pas disparu. Ainsi, les soirs et les week-ends, il s'initie à la réalisation avec la caméra 8 mm de son père. L'adolescent se fait alors une promesse, il sera cinéaste. Pourtant, malgré cette passion dévorante, le jeune Louis Malle semble destiné à tout autre chose. Pour ses parents et sa mère en particulier, son avenir professionnel est scellé, presque écrit d'avance. Il fera carrière dans l'entreprise familiale. Il faut dire que le jeune Louis entretient une relation très particulière avec sa mère, Françoise Malle. Des décennies plus tard, en 1994, il s'entretient à ce sujet au micro de Béatrice Claire sur France Culture. Dans le milieu d'où je viens, les les rapports des parents et des enfants sont certainement très différents de ce qu'ils sont dans un autre milieu. Et c'est vrai que j'avais avec ma mère une relation très, très émotionnelle, ce qui était paradoxal parce que ma mère avait, nous étions 7 enfants. Donc c'était pas du tout une espèce d'obsession d'enfant unique. Ma mère était très, était par sage très dominant. Elle dominait mon père et c'était elle qui nous élevait, qui nous engueulait, qui s'occupait de nos études. Moi, elle était obsédée à l'idée que je fasse Polytechnique. Une fois bachelier, même s'il ne va pas à Polytechnique, le jeune homme entame des études prestigieuses, dignes de son rang. Il est reçu à Sciences Po et part s'installer à Paris. Étudiant en sérieux le jour, il dévore des dizaines de films dans les salles du Quartier Latin le soir venu. Plus qu'un rêve, le cinéma devient une nécessité. Ainsi, en 1953, il est reçu au concours de l'Institut des hautes études cinématographiques, l'IBEC, alors seule école de cinéma du pays. Le jeune homme peut enfin se consacrer corps et âme au 7e art. Dès lors, tout s'enchaîne pour l'apprenti metteur en scène. Un jour de mars 1954, il fait la première rencontre décisive de sa carrière. Ce jour-là, un explorateur océanographique alors inconnu pousse les portes de l'école, un certain Jacques-Yves Cousteau. Il se trouve qu'il cherche un jeune assistant pour réaliser avec lui un documentaire sur les fonds marins. Après quelques entretiens, c'est Louis Malle qui est choisi. Au printemps 54, le jeune cinéaste rejoint donc la Calypso et le tournage du Monde du Silence peut débuter. C'est donc entouré de palmes, qui ne sont pas encore en or, mais ça viendra, que Louis Malle apprend les bases de son métier, comme il le rappelle dans cet entretien diffusé sur Antenne 2, 20 ans plus tard, en 1976. J'ai eu la chance que Cousteau avait besoin d'un stagiaire, Jacques-Yves Cousteau, le cinéaste sous-marin, et je suis parti sur son bateau, en principe pour 2 mois, et je suis resté plus de 3 ans. Je pense que ça a été une grande chance pour moi, parce que ça m'a permis, Cousteau était un homme qui m'a fait entièrement confiance, et au bout de 2 mois, il m'a dit « Est-ce que vous voulez rester ?» J'ai dit « Oui ». Et il m'a dit, bon, bah, vous allez prendre en charge la photo et le cinéma dans nos expéditions. Alors, je me suis trouvé ne sachant rien, sortant d'une école de cinéma, c'est-à-dire ne sachant absolument rien. Et j'étais obligé de faire de la prise de vue, y compris de la prise de vue sous-marine, ce qui était très passionnant. Et beaucoup de montage, de la prise de son. Enfin, en fait, c'est chez Cousteau que j'ai appris mon métier. Et quand je suis sorti de chez Cousteau, quand Le Monde du Silence est sorti, que Cousteau a eu la grande élégance de me laisser signer avec lui. J'étais co-réalisateur du Monde du Silence, qui a été pour moi évidemment un coup de chance formidable parce que ce film a eu un très grand succès. Je dois dire, j'étais prêt techniquement. À la sortie du film en 1956, l'accueil de la critique est excellent et le succès public immédiat. Palme d'or à Cannes en 1956, rien de moins. 8 millions de spectateurs en salle, pas moins. Cela dit, relégué à l'arrière-plan, le jeune Louis Malle n'est même pas présent à Cannes pour recevoir son prix. Mais sa carrière est lancée. D'ailleurs, au même moment, son ami et collègue Alain Cavalier lui parle d'un roman policier de Noël Calef intitulé « Ascenseur pour l'échafaud ». À la lecture, Malle est conquis et il décide de l'adapter pour son premier long-métrage de fiction. Le film sort en mars 1957. La critique est enthousiaste. L'intrigue juxtapose brillamment 3 actions parallèles dans une narration dense, tendue. On retient aussi la musique de Miles Davis, improvisée par le maître au moment même où il découvre le film. À 24 ans à peine, avec cette pépite, qui n'a pas le souvenir de la situation infernale dans laquelle se retrouve Maurice René dans l'ascenseur pour l'échafaud énorme, avec ce film exceptionnel, Louis Malle entre dans la cour des grands et il ne compte pas s'arrêter là. L'année suivante, en 1958, il tourne Les Amants, un film sulfureux inspiré d'une nouvelle libertine du XVIIIe siècle, avant d'adapter le roman de Raymond Queneau, Zazie dans le métro. Malheureusement pour le cinéaste, il a bien moins de succès que le roman. Mais Louis Malle est persévérant et il songe déjà au coup d'après. D'autant qu'au même moment, une jeune génération d'auteurs apparaît dans le cinéma français, la Nouvelle Vague. Ils sont une petite bande issue de la rédaction des Cahiers du cinéma. Ils s'appellent Jean-Luc Godard, François Truffaut, Éric Rohmer. Tous rejettent le cinéma français officiel, qui n'est plus en prise, d'après eux, avec l'évolution de la société. Le cinéma de Papa, Clouseau, Gabin et compagnie. Alors, entre 58 et 62, ils réalisent chacun leurs premiers films qui vont marquer l'histoire du cinéma. À bout de souffle, les 400 coups. Grâce à l'allègement du matériel, il tourne rapidement, souvent dans la rue, au plus proche de la vie réelle. Fini les tournages en studio et les narrations linéaires issues du théâtre. Autrement dit, à bas les conventions. Mais cette révolution est avant tout une révolution de chef opérateur. De son côté, Louis Malle apparaît à la marge de ce nouveau courant. Pourtant, il a le même âge que Godard ou Truffaut. Et Ascenseur pour l'échafaud est considéré pour beaucoup comme le précurseur du mouvement. Alors, Louis Malle, nouvelle vague ou pas? Réponse de l'intéressé dans cet entretien de 1976. Chronologiquement, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait Ascenseur pour l'échafaud avant que l'idée même de nouvelle vague existe. Et puis alors, il y a eu tout de suite dans la foulée Claude Chabrol qui a fait Le Beau Serge. Et ces deux films ont été au fond les premiers. Ensuite, il y a eu Les 400 coups qui a correspondu, qui est venu assez nettement après. Après même que j'ai fait Les Amants, ça désignait au fond le groupe de cinéastes issus de ce magazine qui s'appelle toujours Les Cahiers du Cinéma. Alors, moi au fond je ne faisais pas partie de ce groupe, c'était des gens que je connaissais, certains étaient des amis. Pourquoi est-ce que la nouvelle vague est devenue importante? C'est parce qu'il y a eu un phénomène curieux, c'est que tous ces premiers films ou tous ces deuxièmes films ont été des succès commerciaux. On parlerait même pas de la nouvelle vague s'il se passait, comme ça arrive quelquefois, que quelqu'un qui peut avoir beaucoup de talent fait un premier film, comme ça s'est vu ces dernières années. Ce film n'a pas de succès et ça ne devient donc pas un phénomène journalistique. Tout d'un coup, ça a fait que, à la fois les journalistes et surtout les producteurs, tout d'un coup, se sont intéressés à ces jeunes gens qui voulaient tout ficher en l'air, mais qui s'est tous laissé récupérer parce qu'ils nous ont ouvert tout grand les portes de l'industrie cinématographique. Une chose est certaine, même s'il n'est pas estampillé Nouvelle Vague, Louis Malle est perçu comme l'un des jeunes auteurs exigeants du cinéma français. D'ailleurs, 2 ans après Zazie dans le métro, en 1962, il propose un film novateur, presque expérimental, Vie privée. Un vrai faux documentaire autour de Brigitte Bardot, alors au sommet de sa gloire. Mais c'est un échec. Mais comme à son habitude, Louis Malle ne se décourage pas. Et quelques mois plus tard, il sort ce qui est considéré aujourd'hui comme l'une de ses œuvres majeures, Le Feu Follet. Inspiré d'un roman de Drieu La Rochelle, le film traite de sujets graves, la dépression, le suicide. Et cette fois, la critique et le public sont au rendez-vous. Mais Louis Malle, le cinéaste de 31 ans, est déjà ailleurs. Oui ? Bonjour mon père. Ah, c'est vous Laurent ? Bénissez-moi mon père parce que j'ai beaucoup péché. Il semble être aussi allergique au succès qu'à l'échec, Louis Malle. À ce titre, il ne pense jamais au film qu'il a tourné et préfère nourrir ses obsessions pour ses projets. Et s'il est une constante dans sa démarche, c'est bien de toujours surprendre, aller là où personne ne l'attend. C'est exactement ce qui arrive après l'immense succès du Feu Follet. Malle prend un tournant dans sa carrière et change complètement de ton et de registre. Ainsi, il choisit de diriger les stars dans des films au sujet moins ambitieux et à l'écriture plus convenue. Brigitte Bardot et Jeanne Moreau dans Viva Maria en 65, Jean-Paul Belmondo dans Le Voleur en 67, ou encore Alain Delon dans le segment d'un film à sketch inspiré par Edgar Poe, Histoire extraordinaire. D'ailleurs, ce film lui vaut enfin une invitation au Festival de Cannes, 12 ans après Le Monde du Silence et après 5 films boudés par la commission. Le metteur en scène ne le sait pas encore, mais cette édition 1968 s'apprête à entrer dans l'histoire. En effet, lorsque le festival débute, le 10 mai de cette année mythique, Paris se remplit de barricades, dans ce qu'on appelle encore pudiquement les événements. Peu à peu, le vent de révolte, parti des universités, se répand dans toutes les couches de la société, comme l'évoque ce reportage des actualités françaises. 180 voitures gisant sur la chaussée. Paris, par le plus navrant des petits matins, faisait le bilan de la nuit dramatique du quartier latin. 367 blessés, dont une vingtaine dans un état grave. 9 jours plus tôt, à la faculté de Nanterre, à la suite de l'agitation de groupes d'étudiants, les cours avaient été suspendus. Le lendemain, à 17h, la police était appelée à la Sorbonne. La décision déclenchait la colère des étudiants. C'est l'affrontement. Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute volent. 10 000 étudiants sont dans les rues, engagés dans une lutte acharnée avec les policiers. « La manifestation fera 600 blessés. Il y aura 422 arrestations dans 31 maintenues. Comme le rappelle ce reportage, un parfum d'insurrection s'est invité dans les rues de Paris. La ronde vient surtout de la jeunesse. Tous ces enfants nés au lendemain de la guerre, devenus adolescents, ne veulent plus de cette France engoncée dans ses traditions, corsetées. Alors, à près de 600 km de là, à Cannes, un malaise s'installe chez Louis Malle et chez certains de ses collègues, Roman Polanski notamment, mais aussi, et surtout, les deux chefs de file de la Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard et François Truffaut. Bien que ces deux-là aient des tempéraments et des sensibilités très différentes, les quatre cinéastes se rejoignent autour d'un constat. Les réceptions mondaines et l'insouciance de la croisette ne sont pas représentatives de l'état du pays, sont carrément décalées. Une question presque existentielle se pose alors à eux, faut-il arrêter ou non le festival ? Un groupe se constitue autour des quatre cinéastes et tout ce petit monde s'enferme dans le palais des festivals. Là, dans le secret d'une réunion improvisée, des débats passionnés ont lieu. Finalement, le 19 mai, 9 jours après l'ouverture du festival, une décision est prise, l'événement doit s'arrêter. La conférence en presse qui suit, menée par Truffaut et Godard, marque les esprits. La radio donne des nouvelles. Heure par heure, on annonce que des usines sont occupées, que telle et telle ferme, que le train ne marche plus, maintenant ça va être les métros, les bus. Alors si on annonce toutes les heures et le festival de Cannes continue, eh bien c'est franchement ridicule. Il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. Je souhaite que le festival s'arrête. Oui, mais... Vous parlez solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes pas de gros Après cet épisode, Louis Malle souhaite revenir au cinéma du réel et filmer le quotidien des plus démunis. Ainsi, l'année suivante, donc en 1969, il tourne dans les bidonvilles indiens un documentaire sobrement intitulé « Calcutta ». Le film est présenté à Cannes cette même année, mais le soir de la projection, Malle ne peut pas entrer dans la salle à cause d'un incident grotesque avec la sécurité. Le cinéaste refuse en effet de porter la tenue de rigueur, le smoking, là encore bien trop décalé avec le sujet de son film. Cependant, et comme on le sait, Louis Malle a déjà les yeux tournés vers sa prochaine réalisation. À la même période, il se passionne pour la lecture d'un inédit achevé et posthume, sorti 3 ans auparavant, en 1966, « Ma mère » de Georges Bataille. Ce court roman raconte l'initiation au plaisir charnel d'un jeune homme, guidé dans les bras de plusieurs femmes par sa propre mère. Pendant tout le récit, la tension sexuelle est constante, mais jamais consommée. Pour Bataille, l'aboutissement de l'érotisme se situe justement dans cette joie suppliante, une célébration à la fois sordide et grandiose du désir, poussée jusqu'à sa part maudite. Malle est troublé par cette histoire et cet auteur mystérieux, resté toute sa vie en dehors des modes et des courants, mort 7 ans plus tôt à l'âge de 65 ans. Alors, 11 ans après Les Amants, Louis Malle se décide à reprendre son exploration de l'érotisme en adaptant ce roman. Au printemps 70, il s'enferme dans sa maison de campagne du Lot. Dans un entretien de 1994, il explique la gestation de ce qui deviendra le Souffle au cœur. Si j'ai eu envie d'adapter le livre de Bataille, c'était un peu une façon de me cacher, c'est-à-dire de me servir d'un livre... très fameux et très bon. Et puis, en faisant l'adaptation, je me suis aperçu que les personnages de Bataille étaient finalement tout à fait différents des miens. Je me suis senti finalement un peu inconfortable. J'avais écrit une bonne partie de l'adaptation du roman de Bataille et je calais un petit peu. Après une première version du scénario, Louis Malle est donc perplexe. Il ne partage pas l'exaltation de la douleur et du sacrifice de Bataille. Il opère donc un changement drastique dans le ton du récit. Il abandonne la vision horrifique et perverse du roman pour une spontanéité juvénile presque innocente. Il repart donc à zéro et décide de tout réécrire. Ainsi, pour la première fois de sa vie, Louis Malle élabore un scénario original. pour cela, il décide de remonter le fil de son enfance et de son éducation bourgeoise. Il se remémore sa petite bande de copains de l'internat, leur pitrerie. Autour de ses souvenirs, il compose alors l'histoire de Laurent, son double fictif, un ado de 15 ans, issu d'un milieu aisé à qui on diagnostique un souffle au cœur. L'image de cet épisode de la vie du cinéaste, Laurent quitte son école et part en cure à la campagne. Un marivaudage s'instaure alors entre lui et sa mère, Clara. C'est ici que le film s'écarte de l'autobiographie et plonge dans la fiction. Dès lors, pour lui mal, une question se pose. Comment réussir à traiter un sujet aussi tabou et ancestral que celui de l'inceste ? Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Ne pleure pas, tu vas avoir les yeux rouges. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi, ça va te soulager. C'est si grave que ça? Tu crois que c'est une conversation normale, ça, entre une mère et son fils? Pourquoi pas? Je suis ton amie. En 1970, à 38 ans, Louis Malle est un cinéaste confirmé qui a déjà réalisé 10 longs métrages. Au printemps, il a rejoint sa maison de campagne, où il a débuté l'écriture de son premier scénario original, inspiré à la fois de Ma mère, de Georges Bataille, et de sa propre adolescence. Mais vu qu'il n'y a pas eu d'inceste dans la vie de Louis Malle, il propose un traitement de ce phénomène tout à fait différent de celui du romancier. Il aborde comme une sorte d'accident, un événement sans conséquences funestes, comme il explique dans un entretien de 1976. Je crois que ce qui a beaucoup choqué les gens, y compris un certain nombre de psychanalystes, à propos du souffle au cœur, c'est que ce thème très grave, cette façon d'enfreindre un tabou qui est, je crois, pratiquement le dernier tabou qui reste encore vraiment très très fort dans notre société, était traité d'une façon un peu dérisoire, comme quelque chose qui finalement n'avait pas d'importance, et traité en comédie. Ça, c'était l'élément, au fond, provocateur du souffle au cœur. Mais il est évident que j'aurais tourné le souffle au cœur autant de Ascenseur pour l'échafaud et des amants, quand j'ai écrit le scénario de souffle au cœur, dans la première version, le garçon tentait de se suicider. Et puis je l'ai enlevé parce que j'ai pensé que c'était plus intéressant que finalement ce soit pas si grave que ça. Alors, l'inceste, pas si grave que ça? Dans le film, l'acte se déroule à la toute fin de la projection, dans une scène aussi troublante que mémorable. Pourtant, ce final a été totalement repensé peu avant le tournage. Le scénario initial prévoyait en effet une fin beaucoup plus tragique, presque shakespearienne, qui voyait le jeune Laurent se suicider. S'il en était resté là, le film aurait une toute autre signification. Alors pourquoi ce changement ? Eh bien, on peut penser que pour Louis Malle, la chute ironique et enjouée finalement choisie est plus séduisante que la démonstration mélodramatique prévue auparavant. Surtout, à la différence de Bataille, pour qui la transgression constitue la jouissance de son système érotique, le cinéaste, lui, a préféré diluer l'importance du traumatisme dans la banalité du quotidien. En cette fin avril 70, dans sa maison du Lot, Louis Malle termine donc le scénario du Souffle-au-cœur. Sa deuxième version ne lui a pris que 5 jours d'écriture. De retour à Paris, il doit désormais faire face à la commission de contrôle. Ah, il s'agit d'un organisme qui dispose alors du droit de vie et de mort sur les films en production. Tout peut donc s'arrêter là. Mais le 29 juillet, le verdict est rendu feu vert. Cependant, les membres de la commission ne cachent pas leur inquiétude face au sujet évoqué dans le scénario. Avis de la commission de contrôle des films cinématographiques, le 29 juillet 1970. La commission envisage avec une extrême appréhension la réalisation de ce film. Elle en retient surtout une accumulation de scènes érotiques et perverses complaisamment évoquées. Le dépucelage, la maison close, la masturbation, le concours de longueur de sexe, le jésuite pédéraste et pour conclure, l'inceste entre la mère et le fils. La commission a malheureusement l'impression qu'elle se trouve en face d'un projet dont, en définitive, la réalité et le résultat ne seront, en l'absence de justification réellement artistique, que pornographie gratuite. Elle envisage une mesure d'interdiction totale. Malgré cet avis inquiétant, Malle ne se décourage pas et entame le casting du film. Pour le rôle périlleux de Laurent, il choisit le jeune Benoît Féreux, un acteur débutant alors âgé de 14 ans. Ses copains et ses copines seront interprétés par des comédiens amateurs. Pour la mère de Laurent, il retient Léa Massari, une actrice italienne de 37 ans. Pour le rôle de Freda, la jeune prostituée, Malle décide de faire confiance à Gila von Weisterhausen, une comédienne de 26 ans qui joue ici son 5e film. Au début de l'été 70, Daniel Gélin et Michael Lonsdal viennent compléter la distribution. L'équipe est enfin au complet et le 18 août, le tournage peut commencer. Le même jour, Louis Malle reçoit un télégramme d'encouragement de son ami Napoléon Murat, un petit message blagueur tout en finesse. La vie privée de ses amants est une histoire extraordinaire. Le voleur qu'il s'appelle Zazie, qu'il vienne de Calcutta ou d'ailleurs, pourra toujours crier « Viva Maria ». Il ne sera jamais qu'un feu follet promis à l'ascenseur pour l'échafaud. Car leur souffle au cœur ne fait que commencer. Stop ! Beaucoup de baisers. Malgré cette bonne humeur, Louis Malle n'oublie pas les défis qui l'attendent. Étant donné la gravité des sujets abordés, il souhaite créer un climat convivial autour de ces jeunes acteurs. Car il le sait, certaines scènes seront délicates à jouer. D'ailleurs, les premiers jours sont difficiles. Malle a beaucoup de peine à diriger le jeune Benoît Féreux, qui paraît toujours de mauvaise humeur. L'ado semble même avoir pris en grippe Léa Massari, l'actrice italienne qui interprète sa mère. Louis Malle est inquiet, mais il entrevoit une porte de sortie. Il a remarqué en effet que le jeune acteur était séduit par Gila von Weisterhausen. Discrètement, il demande donc à celle-ci de s'occuper de l'adolescent et ainsi le mettre en confiance. Avec beaucoup de diplomatie, l'actrice allemande arrive à débloquer la situation. Le jeune comédien trouve ses marques et le tournage devient plus facile, en tout cas normal. En septembre, les scènes embarrassantes de nudité entre elle et l'adolescent sont tournées sans encombre. Début octobre, après 10 semaines de tournage, tous les plans sont tournés et la post-production peut débuter. Cependant, Gila von Weisterhausen n'a pas séduit que le jeune comédien. Louis Malle, lui aussi, est tombé sous le charme de l'Allemande. Et une passion amoureuse discrète vient de débuter. Gila reste donc à Paris et s'installe chez le réalisateur. 2 mois après la fin du tournage, en décembre 1970, une première version du film est prête. Au même moment, la jeune femme découvre qu'elle est enceinte. Louis Malle s'apprête à être père pour la première fois. Et en attendant l'arrivée de cet heureux événement, il faut terminer l'autre heureux événement, le film. 2 mois plus tard, en février 71, c'est chose faite. Une dernière épreuve attend le cinéaste. La fameuse commission de contrôle qui s'était réservé le droit d'interdire le film, elle doit rendre un avis final. Le 12 mars 1971, le verdict tombe. La diffusion du film est autorisée, avec interdiction aux moins de 18 ans. On a donc évité le pire. Finalement, le 1er mai 1971, le Souffle-au-cœur sort dans les salles françaises. Et le public répond présent. Dans tout le pays, on se bouscule pour aller voir l'histoire de cette passion interdite. Le succès est immense pour un film d'auteur, avec plus de 2,5 millions d'entrées. Dans la foulée, le cinéaste apprend que le souffle est retenu pour le Festival de Cannes. Et comme nous vous l'avons raconté, la projection est un triomphe et le scandale tout à fait relatif par rapport au sujet du film. Louis Malle, lui, a déjà la tête ailleurs, comme d'habitude. Il faut dire qu'avec Le Souffle-Cœur, une porte semble s'ouvrir dans sa façon de faire du cinéma. Enfin, il ose s'inspirer de sa propre vie pour écrire des films personnels, à l'image de La Combustion en 1974, ou encore Au revoir les enfants en 1987. Rétrospectivement donc, on peut dire que Le Souffle-Cœur occupe une place singulière dans la filmographie du réalisateur. Pour la première fois, il a pu aborder un thème qui deviendra le socle de ses prochains films, la perte de l'innocence. Car Ce Souffle-Cœur, plus qu'une affaire d'inceste, est d'abord l'histoire de la découverte que doit faire chaque enfant pour devenir adulte, un rite de passage, parfois brutal, entre la naïveté des sentiments et l'âpreté du monde. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire du film de Louis Malle, Le Souffle au cœur, dont nous allons parler avec notre invité Pierre-Henri Gibert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes documentariste, vraiment spécialiste du cinéma, puisque vous avez réalisé plusieurs films sur l'histoire du 7e art. Donc Louis Malle, Le Rebelle, en 2016, mais aussi Le Scandale Clouzot, en 2017, et plus récemment, très récemment, c'était cette année, Volker Schlondorf, Tambour battant, diffusé sur Arte, qui vient du film Le Tambour, j'imagine. Évidemment. Absolument, voilà, qui est un assistant de Louis Malle. On reste dans la famille. Exactement. Alors, évacuons, peut-être, cette histoire d'inceste. Quand je dis évacuer, c'est pas dire qu'on s'en débarrasse, mais on en parle là, maintenant, comme ça on sera au clair, par rapport à l'inceste. Quelle place tient finalement l'inceste dans ce film ? Sur les minutes, le minutage du film, finalement, globalement, très peu, 7 minutes, mais c'est 7 minutes qui ont marqué, 7 minutes sur 110 à peu près. Ce qui est intéressant, c'est de le remettre dans la perspective de l'histoire du cinéma. En général, quand il y a des films qui traitaient de l'inceste avant. Bergman parle de l'inceste dans À travers le miroir, je crois que c'était en 61, ou Buñuel dans Viridiana, mais à chaque fois, c'est traité de manière explicite et donc forcément dramatique. Voilà. Oui. Là, ce qui est intéressant, c'est que le mal fait exactement l'opposé, mais il fait l'opposé au point même où on pourrait s'interroger sur le sujet du film. Parce qu'au fond, il n'y a pas de rapport sexuel qui est montré. Donc l'inceste ne serait pas le sujet du film ? Eh bien, justement, c'est ouvert à l'interprétation. Ce à quoi on assiste, c'est le fantasme d'un ado de 14 ans sur sa mère. Et Louis Malle semble tester, on pourrait dire, notre permissivité. Et il y a deux scènes, en fait. Il y a une première scène où l'ado, lié à une promiscuité, rentre dans la salle de bain où sa mère est en train de prendre un bain. On la voit de dos, elle est nue, elle est belle. Il la regarde, on ne sait pas s'il y a du désir ou juste qu'il la trouve belle. La mère s'en rend compte, se lève, le gifle. Donc c'est de bon, ça ne se fait pas, voilà. Et au lieu de baisser les yeux, l'adolescent la fixe et sous l'angle, voilà, qu'est-ce qu'il y avait de choquant ? Quel est le problème ? Ce qui est un peu la position de Louis Malle par rapport au spectateur, en disant ben voilà, ça vous a choqué là ? Stop ou encore ? Et la deuxième scène, donc la fameuse scène dont on parle, qui est dans les dernières 7 minutes. La mère rentre un peu saoule, ils ont dansé ensemble, c'était le 14 juillet, elle s'allonge, elle a sa robe et le fils l'aide à... il ne la dénude pas, mais il aide à la... Un début d'effeuillage. Il aide à retirer le haut de sa robe. Elle n'est pas dénudée puisqu'elle a un dessous. Et après, alors ça, bon, c'est, évidemment, c'est très troublant. L'image d'après, c'est qu'on le voit défaire le soutien-gorge de la mère. Alors là, on est un peu... troublé encore plus. Et ça s'arrête là. L'enfant met son visage, sa tête dans le cou de sa mère, qui lui fait des bisous sur les cheveux. Alors ça dure peut-être un petit peu plus longtemps, mais ça paraît absolument anodin. Mais on est contaminé par les images d'avant. Donc ça, c'est une méthode qui est tout à fait emblématique de Louis Malle. C'est qu'il part d'un état, on pourrait dire, qui pourrait sembler anodin, et il glisse petit à petit, vers une zone d'inconfort où on s'interroge sur ce qu'on voit. Mais on peut très bien voir le film sans percevoir l'inceste. La mère de Louis Malle, qui a assisté à l'avant-première, s'est exclamée devant son fils. Les journalistes étaient là. « Oh, mon chéri, ça rappelle tellement bons souvenirs !» Alors, du coup, ils ont essayé de l'évacuer, parce que voilà. Alors, d'ailleurs, le film ne fait pas le scandale qu'il aurait pu faire. Alors, est-ce que ce sont, pour ces raisons-là, celles que vous venez d'exposer, ou est-ce que, ou les deux d'ailleurs, c'est lié à la période, on est juste après mai 68. Donc on a quand même déverrouillé, on a enlevé certains verrous. Alors, justement, ce qui pose problème, c'est sans doute moins le film que la promotion où Louis Malle s'est retrouvé dans une émission de Michel Pollack, où il y avait dans l'eau deux, trois dégueulasses, qui ont banalisé le viol, et ça c'est immonde, mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, on sait tous faire la différence entre regarder un film de policier et être un tueur en série. Ça n'a rien à voir. Évidemment. Commettre nous-mêmes des meurtres. On est tous traversés par des pulsions. Le sujet de l'humal, c'est justement de voir comment est-ce que la société nous permet de faire de nous des êtres sociaux. Et il interroge justement cette façon de canaliser les pulsions d'une manière socialement acceptable. Il interroge, il nous amène systématiquement de manière très progressive vers cette zone où on s'interroge sur ce qui est ou non socialement acceptable. Et d'ailleurs, alors, c'est pas forcément une réponse, c'est même pas une réponse de sociologue, la réponse de la commission de censure, finalement. Bah, le film s'en sort plutôt pas mal, parce qu'il aurait pu, il avait les éléments qui auraient pu le mettre de côté, qui auraient pu l'interdire. On s'en sort bien. Bon, il a interdit au moins de 18 ans. Oui, bon. Bon, ben voilà. Mais en même temps, effectivement, c'est pas la censure totale qu'on pouvait redouter. Oui, tout à fait. On va se retrouver dans 3 minutes pour parler de ce film et peut-être aussi d'autres films de Louis Malle, parce qu'il fait quand même partie de nos cinéastes les plus intéressants. Donc, à tout de suite. Une chanson douce que me chantait ma maman, en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux avoirs, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La la la la, la petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup on s'en fiche, qu'entre lui nous serons deux. Une chanson douce que me chantait ma maman. Chanson douce pour tous les petits enfants. Oh, le joli conte que voilà, la biche en femme se changea. La la la la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est restée à tout jamais. La belle princesse avait des jolis cheveux. Même caresse se vit au fond de tes yeux. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Le souffle au cœur, si nous avons choisi ce film, d'abord pour son sujet, mais aussi, et ce, peut-être surtout, parce que, si je ne m'abuse, il marque un point de bascule dans la carrière de Louis Malle. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, absolument. C'est-à-dire que depuis ses débuts, bon, Louis Malle est étiqueté comme l'homme par qui le scandale arrive. Souvent, la provocation, si on prend son premier film, qui a eu vraiment beaucoup de détracteurs, c'est les amants qui a fait scandale. Bon, pourquoi Jeanne Moreau qui se réveille en tant que femme, qui vit dans un univers très enfin étouffant, finit par découvrir l'amour physique avec un amant et quitte son mari et sa petite fille, ce qui faisait évidemment scandale. Là encore, c'est pas une invitation à abandonner ses enfants. L'idée, c'est de faire une provocation qui suscite une réflexion. C'est ça la démarche de Louis Malle, pour effectivement réfléchir sur, en l'occurrence là, la place des femmes dans la société et de leur liberté surtout. Voilà. En l'occurrence, donc là, c'est une attaque qui, pendant toute cette période, assez frontale contre cette bourgeoisie, qu'on va retrouver par la suite, et qui finit par arriver... Louis Malle finit par étouffer. Il arrive près de 68, il finit avec Le Voleur, et il a l'impression de tourner en rond. Et évidemment, cette culpabilité contre son milieu est très nocive. Et lorsqu'il débarque en Inde, il va faire un voyage en Inde en 68... Pour quelques heures. Voilà, il va en ramener avec deux documentaires, l'Inde fantôme et Calcutta. Et là-bas, évidemment, toutes les cartes sont rebattues, puisque il est déjà tout occidental en Inde est un homme riche, donc l'idée d'être issu de la très haute bourgeoisie, bon ben, est réglée. Et il est face à une société qu'il ne comprend absolument pas. Qu'est-ce qu'il comprend pas ? Eh ben, on voit des gens qui meurent dans la rue, dans l'indifférence générale, il y a une violence, oui. Il part pour essayer d'étudier les castes, il n'y comprend rien. Mm-hmm. Et donc, en fait, d'une préoccupation sur la bourgeoisie, il arrête de cibler une classe sociale en particulier, il se dit finalement, le problème, il est sociétal, il est dans l'organisation de la société, il est dans la façon dont, justement, on fabrique un être social, et donc ça, c'est par la culture, et il va remettre à partir de là, et il l'inaugure avec Le Souffle au cœur, il va le poursuivre avec La Combe Lucien, il va remettre en question justement nos dogmes, nos croyances. Oui, plutôt que de s'attaquer à une classe sociale, la bourgeoisie, celle de ses parents, avec laquelle il a peut-être des comptes à régler, on peut dire que c'est fait. Et à partir du souffle au cœur, il est plus universel, finalement. Le problème est plus large. Ça donne des films plus apaisés. Oui. Le souffle au cœur est un film plus apaisé que Les Amants. Mais c'est pas pour autant que c'est beaucoup plus dérangeant. Il y a quand même quelque chose de plus profond, au fond. on le voit bien avec la Combustion juste après, où du coup il s'attaque au dogme de la France résistante, et il explique que non, c'est pas tout à fait comme ça. Mais il le fait à sa manière, et nous fait suivre un jeune garçon qui va glisser, qui veut entrer dans la résistance, qui n'y arrive pas, et petit à petit qui va glisser dans la collaboration. De manière imperceptible, là encore, on finit par une situation stable, par se retrouver dans une situation de malaise en tant que spectateur, et donc on participe au récit, et on s'interroge. Oui. Louis Malle, Nouvelle Vague ou pas ? Alors, techniquement, il ne faisait pas partie du groupe, puisqu'il n'était pas du cahier du cinéma, comme il l'a expliqué. En même temps, c'est évidemment un précurseur. Il est le premier à utiliser les pellicules ultra-sensibles lorsqu'il filme Jeanne Moreau sur les Champs-Élysées. Le labo lui renvoie la pellicule au départ en disant « Mais changez le réal, changez le chef-op, mais prenez des bons, enfin, on ne photographie pas comme ça. » Donc, il utilise des comme ça, avant Godard, 2 ans avant. Il fait une même digression policière, dans les mêmes conditions techniques, et finalement au même endroit. C'est ça qui est assez finalement ironique. Mais bon, il y a une force de frappe dans la Nouvelle Vague, et ils ont réussi à gagner une forme de bataille culturelle où le cinéma s'est structuré autour autour d'eux, au détriment, ce qui apparaît de plus en plus comme des fois injustement, hein, ça enlève rien à leur mérite, mais il y a d'autres cinéastes comme Louis Malle, comme Alain René, dont on découvre petit à petit effectivement qu'on réexamine. Qu'on réexamine au point, certains le disent, des spécialistes de cinéma, qu'Ascenseur pour l'échafaud peut être considéré comme le film originel de la Nouvelle Vague. C'est-à-dire que si Antonioni, qui est, si on veut les grands pontes internationaux de la modernité cinématographique, on citerait Bergman et Antonioni. Ouais. Si Antonioni prend Jeanne Moreau pour la noter, c'est parce qu'il l'a vu déambulant sur les Champs-Élysées. Vous parliez de récits très tenus dans l'ascenseur, et c'est très vrai. Mais en même temps, justement, le génie de Lumal, c'est de proposer quelque chose qui échappe au corps naturel du film. Toutes ces séquences de Jeanne Moreau qui erre sur les Champs-Élysées, filmées comme ça avec une caméra cachée dans les conditions de l'époque, presque on pourrait les couper dans le film. Oui. Techniquement, c'est pas nécessaire à l'intrigue. Mais on sent bien que ça embrasse une angoisse existentielle, quelque chose de profond, qui va donner une profondeur au film, qui va dépasser la simple mécanique policière. Alors, je voulais qu'on parle de Louis Malle au-delà du souffle au cœur. La Combustion, on en a parlé, c'est bien. Milou en mai a été un film marquant aussi. Oui, très... Film choral. En fait, c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui, à l'inverse de François Truffaut, par exemple, qui fait les 400 coups, c'est un cinéaste qui ne démarre pas par une autobiographie. Ouais. Il fait donc, comme vous le rappeliez, Cousteau, les poissons, ça ne peut pas dire que ce soit proche de son univers, et puis Ascenseur pour l'échafaud. Et petit à petit, à travers l'univers des amants, à travers justement le voleur, les tentations du suicide dans le feu follet, quelque chose qui est très personnel, petit à petit, il donne des touches très personnelles. Et en fait, donc, du coup, on disait que le souffle au cœur inaugure une nouvelle ère. Ben là, il s'attaquait directement à une histoire très personnelle, sauf la fin, qui est totalement fantasmée sur la mer. Et Milou en mai, c'est ça, il revient totalement sur son milieu, en puisant dans des anecdotes autour de mai 68. Et au revoir les enfants. Je vais finir sur au revoir les enfants. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le film qui a le plus marqué ? Alors, c'est assurément son plus grand succès. C'est quelqu'un très solitaire, hein, Louis Malle, qui est très envié, parce que finalement, il est riche comme on aimerait tous être. Il a un succès avec les femmes comme on aimerait tous en avoir. Il a une liberté artistique qu'il s'est construit, hein, courageusement, en France. Et une intelligence reconnue par tous. Absolument. Une liberté artistique en France et aux États-Unis, ce que peu de cinéastes français peuvent s'offrir. Et donc, voilà. Et il se trouve que le film qui rassemble tout le monde, c'est Au revoir les enfants. Quand on parlait de sa remise en question de l'ordre du monde des adultes, puisque c'est aussi son grand thème, on peut comprendre qu'effectivement, lorsqu'il a vu débarquer à 11 ans des hommes armés dans la salle de classe pour enlever un de ses petits camarades, ce qu'il raconte, évidemment, on est amené à une critique permanente de la façon dont se structure s'organise la société. Le drame, juste si je puis me permettre, sur Au revoir les enfants, c'est que du coup, lui qui a été si finalement délicieusement abrasif toute sa vie, va être aimé pour son film le plus consensuel. Mais oui, en même temps. Voilà, au revoir les enfants et au revoir Pierre-Henri Gibert. Au revoir. Et surtout, merci. Merci beaucoup.